Nous sommes dimanche le 11 février 2018. Bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette dernière édition que vous pouvez également suivre via notre site web sur le www.isanganiro.org. Et ce journal aura pour principale articulation les points suivants. L'assistant du ministre de l'Intérieur rejette certains éléments contenus dans le rapport du secrétaire général des Nations Unies, disant qu'au Burundi, il y a un climat politique malsain à cause du processus d'amendement de la Constitution. Vous entendrez Terence Nairaja tout au début de ce journal. Quant au politicien Tassien Siwomana, membre de la coalition Amizero Yabarundi, indique que ce rapport est important pour les Burundais, d'autant plus qu'il conseille toutes les parties sur l'avenir du pays. À la une également, au moment où ce 11 février 2018, le monde célèbre la Journée internationale des malades, le porte-parole du cadre d'expression pour les malades au Burundi indique que le gouvernement devrait faire appel aux médecins spécialistes de l'étranger pour former un grand nombre de médecins généralistes burundais au lieu d'envoyer pédogénéralistes à l'étranger pour être formés. Enfin, en actualité internationale en Afrique du Sud, l'ANC célèbre les 100 ans de Nelson Mandela et cette célébration survient à une période où l'actuel président de la République, Jacob Zuma, fait face à des appels à démissionner à la suite d'allégations de corruption. Voilà pour le décor. Tout de suite les détails, la mise en onde est assurée par Eric Wimana à la présentation de ce journal, Evrard Havyarima. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir et bienvenue encore une fois dans cette dernière édition, mais avant de développer ces titres, page sécurité. Une grenade a été lancée dans la soirée de ce samedi à Kinanira 2 en commune Mouha de la mairie de Bujumbura. 11 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Comme le précisent les habitants de cette localité, cette explosion a eu lieu aux environs de 20h40 et demande que leur sécurité soit assurée par les autorités habilitées. Léon Sendai Chemise qui s'est rendu, voici son reportage. Cette grenade a explosé à Kinanira 2 dans la place communément appelée Tchétchénie. L'une des blessés nous a fait savoir que c'était aux environs de 20h40. Twari twicaye ahantu twicenye twa turaganira n'undi mugenzi hanyuma tubona. J'étais avec un ami lorsque nous avons vu quelque chose qui est lancé sur la toiture. On avait l'impression que c'était des enfants. Nous avons vu ensuite un objet à côté de nous. Il y a eu un bruit, or c'était une grenade. Un de nous a été grièvement blessé et il est alité à l'hôpital. C'était aux environs de 20h40. Nous demandons que notre sécurité soit assurée par les forces de l'ordre. Celui-ci fait savoir qu'ils ont entendu une explosion et puis il demande que la sécurité soit bien assurée. C'était pendant la nuit quand nous étions encore à l'extérieur de la maison. Lorsque nous avons entendu un détonnement, nous avons cru que c'était une grenade. Après un moment, les gens ont couru et nous ont dit que c'était une grenade qui vient de blesser des personnes. Cela nous a étonnés car la paix régnait ici chez nous. Nous demandons aux forces de l'ordre d'effectuer des rondes nocturnes pour pouvoir appréhender les malfaiteurs. Le porte-parole de la police nationale sur son Twitter indique qu'une personne a été arrêtée pour des réseaux d'enquête. Léon Sendai Chemise, je vous le disais en titre, le ministre de l'Intérieur rejette certains éléments contenus dans le rapport du secrétaire général des Nations Unies. À titre d'exemple, l'assistant du ministre de l'Intérieur rejette la thèse disant qu'il y a au Burundi un climat politique malsain à cause du processus d'amendement de la Constitution. Terence Nairaja a indiqué à la fin des manifestations de ce samedi que bientôt le gouvernement va montrer sa position par rapport à ce rapport du secrétaire général des Nations Unies. Suivez plutôt Terence Nairaj. J'ai eu l'occasion de jeter un coup d'œil dans ce projet de rapport. Effectivement, il y a beaucoup de mensonges. Par exemple, au point 3, vous trouvez qu'ils osent affirmer qu'actuellement au Burundi, il y a des tensions à cause justement du projet de référendum qui est au Burundi, ce qui fait que le gouvernement et l'opposition ne s'entendent pas sur cette question. Ce qui est archi-faux. Pourquoi tous les politiciens sont en train de sensibiliser leurs membres pour qu'ils répondent massivement au prochain référendum. En témoigne le parti Sorana Fodibou de l'opposition qui se dit de radical a demandé à ses membres de participer. Et comme vous le savez, voter, c'est voter oui ou non parce que c'est la démocratie au Burundi. Un autre point également qui est très sensible, ils osent affirmer que en fait, certains éléments proposés dans les innovations sont dans le but de renverser les acquis de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Ça aussi, c'est faux et archi-faux. Comme vous le savez, l'article 209 de la Constitution de la République du Burundi est clair et trace une ligne rouge si ce qui ne doit pas être changé, et c'est clair. De quoi s'agit-il en fait? Il s'agit de certains acquis d'Arusha qui renforcent la cohésion sociale, l'unité, la sécurité du Burundi. Et comme vous le savez, dans ce projet, que ce soit les quotas ethniques au niveau des forces de défense et de sécurité ont été respectés. Il y a également le parti du pouvoir, 64 ont été respectés. Il y a aussi les éléments fondamentaux, l'organisation des partis politiques, rien n'a été touché. Tout ça, même les différents textes internationaux auxquels le Burundi a ratifié ont été respectés comme tels. Donc, c'est vraiment un massage de notre entreprise. Il y a également un autre élément très sensible, c'est à propos des résultats de la précédente 4e session du dialogue entre les Burundais extérieurs. C'est moi qui avais représenté le gouvernement. Il dit qu'il y a, c'est vrai, 19 points de convergence, il reste aussi 11 points de convergence. Permettez-moi si ces 11 points de dire quelque chose. Le gouvernement que je représentais là-bas a analysé les 11 points avec les partis politiques, 19 d'ailleurs. Il y a la société civile, les confessions religieuses, les jeunes et les femmes. Ils ont tous apposé la signature sur des observations, sur les 11 points. On a réalisé que tout cela est acceptable par le gouvernement. Excepté bien entendu des points qui je dirais n'existaient pas. Le premier, il concernait justement les groupes rebelles qui existaient au Burundi, qui devaient négocier avec le pays. Ces rebelles n'existaient pas. Le Burundi est dans la paix et la sécurité. Si environ 3000 collines, c'est la paix et la sécurité de toutes les communes. Vous êtes témoins, vous tous. Deuxièmement, c'est le gouvernement de transition. Jamais au Burundi. Nous sommes dans la démocratie. Et je termine en demandant à tous les pays africains qui ont toujours soutenu le Burundi, les puissances comme la Russie, comme la Chine, comme les autres, de ne jamais accepter cela. La réunion c'est le 26 et Dieu nous aime. Nous sommes aussi et certain qu'aucune résolution négative contre le Burundi sortira de ces fausses informations. Je vous remercie. Vous citez Kafando, est-ce que vous avez les preuves que c'est lui? Mais bien sûr, c'est écrit. C'est lui qui doit donner le rapport, qui doit être étudié parce que c'est lui qui a remplacé Benoît. Et quant au politicien et membre de la coalition Miseria Barundi Tassien Sibomana, ce rapport est important pour les Burundais, d'autant plus qu'il concerne toutes les parties sur l'avenir du pays. Suivez-les au micro de mon confrère Pascal Nyerhund. Je crois que ce qui est contenu dans ce rapport n'a rien de mensonge. Parce qu'effectivement, l'opposition dans tout son ensemble, des organisations de la société civile, je parle aussi des forces morales qui n'ont jamais cessé de montrer que la révision unilatérale de la Constitution n'est pas la meilleure démarche. Et surtout que la Constitution burundaise est spécifique parce qu'elle émane de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Lequel rapport est le consensus de toute la classe politique burundaise, sans oublier que la communauté internationale est la garante de dit accord. Alors, compte tenu de ce qui précède, la révision de cette constitution ne doit pas être de l'apanage du seul parti au pouvoir, fût-il légal ou légitime au pouvoir. Le deuxième aspect que je trouve fondamental et véridique que contient ce rapport, c'est que, en définitive, le secrétaire général des Nations Unies conseille à toutes les parties de se mettre ensemble sur la table et pour que le dialogue inter-burundais sous les auspices de la communauté de l'Afrique de l'Est puisse finalement aboutir à un compromis qui peut tirer le Burundi de la situation dans laquelle elle est plongée depuis 2015. Quand il y a de tels rapports, ce n'est pas à travers les manifestations de la rue que ces rapports sont contrariés. C'est à travers des contre-rapports, c'est à travers des voies diplomatiques. Le gouvernement accuse l'envoyé spécial des Nations Unies au Burundi, Michel Kafando, d'être l'artisan de ce rapport dit erroné ou plein de montage. On l'accuse de travailler comme son prédécesseur Ben Omar. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, là aussi, je pense que c'est une démarche qui ne paye pas. Au contraire. Vous savez combien d'envoyés spéciaux des secrétaires généraux qui ont été déclarés non grata par le gouvernement burundais? Est-ce que cela a changé la réalité des choses pour autant? Je ne pense pas. Aussi longtemps que le Burundi reste membre des Nations Unies, et aussi longtemps que le secrétaire général a la latitude d'envoyer un représentant spécial pour une raison ou une autre, il faut qu'il se rende à l'évidence. La réalité est têtue. Les faits sont têtus. Concernant le climat politique, qualifie de normal par l'assistant du ministère de l'Intérieur pour le fait que l'opposition appelle ses fidèles à se faire enrôler pour les prochaines élections. Tassien Sibomana donne une autre explication. Encore une fois, Tassien Sibomana. Conclure que le fait que nous appelons à la population burundaise en général et à nos membres en particulier à aller se faire inscrire, de là conclure que c'est cela la signe de détente, la signe d'entente, je ne crois pas. Les raisons sont autres. D'abord, je voulais profiter de cette occasion pour lancer un appel pressant à tous nos membres, à tous les membres de l'opposition et même à tous les Burundais à aller se faire inscrire. Pour la première raison que c'est un droit de tout citoyen burundais. Deuxième raison, c'est pour se protéger contre les pressions tout azimut auxquelles font face la population burundaise, telles que si vous ne vous faites pas inscrire, on va vous malmener. Si vous ne vous faites pas inscrire, vous n'allez plus avoir aucun droit sur les documents administratifs que délivre l'administration locale. Donc, pour éviter tous ces pièges, j'en appelle à tout le monde pour qu'il aille se faire inscrire. L'autre raison, la troisième, qui est pour l'opposition une raison plus politique et essentielle, c'est que le gouvernement, justement, veut nous tendre en piège en disant que, compte tenu de ceci ou cela, compte tenu des moyens qui sont limités, la carte d'électeur qui sera délivrée à la fin de ce processus d'enrôlement sera la même que pour les autres élections à venir, sans faire allusion nécessairement au référendum. Ça, c'est un piège dans lequel nous ne pouvons pas tomber. Nous sommes au four et au moulin pour chercher les conditions optimales des élections crédibles, inclusives, démocratiques, paisibles et autres, lesquelles élections peuvent venir en 2020 ou après. Parce que ce qui compte pour nous, ce n'est pas l'échéance de 2020, ce sont ces conditions nécessaires et suffisantes pour de bonnes élections. Donc, si nous nous sommes engagés dans cette lutte pour discuter justement de cette feuille de route qui va nous conduire vers des élections crédibles, il ne faut pas qu'à la fin de notre combat, nous nous retrouvons sans électeurs. Nous nous retrouvons sans nos personnalités de marque que nous voudrions mettre en avant pour qu'elles puissent changer la situation au Burundi. Le politicien membre de la coalition Amizero ya Barundi, Tassien Sibomana. On va marquer une courte pause avant de parler la santé. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le gouvernement burundais devrait faire appel aux médecins spécialistes de l'étranger, pouvant former un grand nombre de médecins généralistes burundais au lieu d'envoyer pédogénéralistes à l'étranger pour être formés. L'appel est lancé par le porte-parole du cadre d'expression pour les malades de Burundi, Sylvain Hawanabakize, indiqué que la Semabou salue la mesure du gouvernement de prendre en charge les personnes vivant avec les maladies chroniques. Il a dit au moment où, le 11 février 2018, le monde célèbre la Journée internationale des malades. Sylvain Hawanabakit. Les cadres d'expression pour les malades au Burundi, c'est ma bonne sigle, salit de sagesse et valeur, les pas franchis par le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida en traitant certaines pathologies, à l'occurrence le sida, le diabète ainsi que le paludisme. À titre illustratif, avant l'année 2000, le sida était considéré comme la maladie de la honte et les personnes séropositives étaient discriminées dans les milieux de travail, voire dans leur ménage. Mais pour le moment, ce n'est plus le cas. Le Semabou salue également la récente mesure prise par le ministère et à la santé de la population dans ses attributions de mettre le quatrième sur la liste des médicaments autorisés au Burundi. Le Semabou est sans doute convaincu que ce produit pharmaceutique va contribuer à la réduction du taux des personnes atteintes par le paludisme. Toutefois, le Semabou condamne certains comportements du personnel soignant qui, au lieu de rendre les services aux patients, exige la caution avant de faire les soins nécessaires. Aussi, le Semabou signale l'insuffisance du personnel soignant qualifié et communément appelé les médecins spécialistes. Sur ce point, notre organisation demande au gouvernement de payer les professeurs spécialistes étrangers afin de venir ici chez nous former les médecins généralistes plutôt que d'envoyer les Burundais à l'étranger. Comme ça, notre pays va gagner, car ces procédés spécialistes vont former un nombre suffisant de spécialistes plutôt que de former un seul médecin généraliste envoyé à l'étranger. Sylvain Hawanawakidze, il est le porte-parole du cadre d'expression pour les malades au Burundi. Dans les propos ont été recueillis par ma conseil Fabiola Ndouiman. Et dans les nouvelles des provinces, l'obligation d'avoir un puisard dans les parcelles du chef-lieu de la province Muyinga n'a pas été respectée, même si les délais de mois donnés par l'autorité locale a expiré. Alors que certains habitants réclament la mesure, l'administrateur de la commune Muyinga rappelle qu'aujourd'hui, la mobilisation est plutôt centrée sur le processus électoral. Dieudonné Nzeiman. Dans les quartiers de la ville de Muyinga, y compris ceux de résidents supposés avoir un niveau de vie moyen ou élevé, tel est Gasseni et Kibogoye, les routes sont à plusieurs endroits impraticables. Conséquence du ravinement continu dû à l'érosion de l'eau provenant des parcelles. Certains propriétaires de maisons déversent même dans les rues les eaux usées des cuisines ou douches. L'autorité locale a annoncé des mesures de protection, telle l'obligation d'avoir un puisard de rétention d'eau dans chaque parcelle. Un délai de mois avait été donné par l'administrateur de la commune Muyinga qui a fait passer un communiqué à cet effet dans les églises début janvier. Les habitants qui ont salué cette mesure constatent que bon nombre de propriétaires de maisons ont fait sourd oreille. Aucune mesure de dissuasion, telle des amendes n'est prise, telle qu'est pourtant annoncée. Y a-t-il des mesures à prendre dans l'immédiat pour faire respecter la décision de l'administrateur? Philippe Ngeramirigo, administrateur de la commune de Muyinga, affirme que par endroit, sa mesure est en cours d'exécution et d'ajouter aujourd'hui la priorité des priorités et plutôt la mobilisation autour du processus électoral sur la réforme constitutionnelle de Muyinga. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Le Congrès national africain d'Afrique du Sud a démarré les festivités pour célébrer le 100e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela, le premier président du pays. Le chef du parti, Cyril Ramaphosa, va prononcer un discours au Freedom Square au Cap, où Nelson Mandela avait prononcé son premier discours public après sa libération de prison il y a 20 ans. Comme nous lisons sur BBC Afrique, cette célébration survient à une période où l'actuel président de la République, Jacob Zuma, fait face à des appels à démissionner à la suite d'allégations de corruption. L'ANC a annoncé qu'une réunion spéciale de son comité exécutif national, qui a le pouvoir de démettre le président Zuma de ses fonctions, sera tenue ce lundi. Et voilà, c'est sur cette actualité internationale que nous bouclons la boucle de ce journal. Mais avant de nous séparer, un petit rappel des titres. L'assistant du ministre de l'Intérieur rejette certains éléments contenus dans le rapport du secrétaire général des Nations Unies, disant qu'au Burundi, il y a un climat politique malsain à cause du processus d'amendement de la Constitution. Vous avez entendu Terence Nairaj. Quant au politicien Tassien Siwomana et membre de la coalition Amizero Barundi, indique que ce rapport est important pour les Burundais, d'autant plus qu'il concerne tous les partis sur l'avenir du pays. À la une également, au moment où 111 février 2018, le monde célèbre la Journée internationale des malades. Le porte-parole du cadre d'expression pour les malades au Burundi indique que le gouvernement devrait faire appel aux médecins spécialistes de l'étranger pouvant former un grand nombre de médecins généralistes burundais au lieu d'envoyer pédogénéralistes à l'étranger. Ainsi se referme ce journal. Merci. Merci de votre aimable attention. Merci aussi à Eric Wimana pour sa complicité technique. Au micro, Evrard Havdialimana. Excellente soirée à tous. Et ne tournez pas le bouton. Nos programmes continuent sur Isanganiro.